Et bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez la 290e de Goodbye Cabin en compagnie de Pierrot et de moi-même, Léna. Comment ça va, Pierrot ? Bonne forme, j'ai l'impression. Ça va, ça va. Juste un week-end avec du soleil et bam ! Ça repart. Ça repart, comme une bonne pastèque. Bon, on ne va pas chercher à comprendre, je vais te demander ce que tu as prévu aujourd'hui de nous passer dans cette petite émission. Quel est ta Selecta, mon petit DJ ? Selecta ! On va commencer avec le futur de l'underground, de l'hip-hop londonien. Wow. La semaine dernière, tu avais aussi le futur de machin de je sais plus quoi. Bah, c'était ça, mais sauf que j'ai pas eu le temps de passer. Ah oui, t'as pas eu le temps de passer. Voilà. Tout okay, à d'accord. Fait. Ouais, je suis bien. Bah ouais, et là, je le mets au début, comme ça, pour être sûr. Ouais, voilà. Après, on va poursuivre avec de la pop shoegaze. On ira sur une rencontre électronique franco-espagnole. On poursuivra avec de la pop moderne de Strasbourg. Et on finira avec du reggae de Libye. Super. Mais alors, c'est cool parce que toi, là, t'as un large éventail de pays. Moi aussi. Et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'avoir des artistes aussi disparates. Dans le monde. C'est ça. C'est ça la musique du monde, en fait. Ouais. Et est-ce qu'on peut vraiment appeler ça la musique du monde ? Bah, qu'on soit bien de partout, ouais. Bah oui, ouais. Oui. Non, mais c'est vrai. C'était le débat. J'aime pas trop le terme musique du monde. Bah, parce qu'en fonction de où tu te places, c'est vrai que. Bah, c'est dès que ça ressemble pas à un son d'Europe. C'est ça. Occidental. Voilà. Très bien. Pour ma part, qu'est-ce qu'on écoute ? J'ai l'impression qu'on en a rien à fiche. Bien sûr que non. Ah, bah merci, tu me fais plaisir. Donc, pour commencer, ma Selecta, moi j'aurai de la pop psyché de Melbourne. J'aurai ensuite de la wave expérimentale belge, du post-punk espagnol teinté de dub et de jazz. J'aurai aussi de la pop hallucinée strasbourgeoise, de l'ambiance groovy de Londres. Et pour finir, si on a le temps, un mix lituanien entre new wave des années 80 et électro des années 2000. Voilà mon programme. Partons dans le futur de l'Angleterre, avec Finn Foxell, qui est un artiste qui a baigné dans la musique rien qu'avec ses parents, puisqu'il est le fils d'un songwriter et d'une performeuse. Donc la musique est avec lui depuis l'enfance. Et avec Elevation Meditation, qui est un collectif qu'il a formé avec différents artistes comme Lord Apex, Xav, Louis Culture, bah, il s'impose comme les nouveaux visages de la scène underground londonienne il y a quelques années. Et là, il a sorti plusieurs albums. Le dernier remontait quand même à 2020. Donc là, il sort un album tout bientôt. Mais pour le moment, on a juste un single qui s'appelle Snatch. Et là, il jongle entre rap tranchant et plutôt envolé vocal lyrique pour écouter ses anciens morceaux. C'est vraiment un style un peu plus différent, plus produit, quoi, plus travaillé. En tout cas, bon, pas plus travaillé, mais tu vois qu'il creuse une piste. Ouais, il part sur une autre piste et en tout cas, il brise les schémas classiques du hip-hop britannique. Où là, il injecte une dose spontanée de rage. et donc, cet album, il s'appelle Mama's Boys, et c'est son premier album qui va sortir le 25 avril, lendemain du 24 avril, qui est une très belle date. Ah. Et c'est un projet qui est façonné dans la douleur, entre rupture et introspection. Donc nous, on écoute Snatch de Finn Foxell. Et vous allez voir, comme d'hab, c'est génial. Abundance of movement, she had no room for improvement. She got a long, heavy brown eyes, quick scorching in my head, top for her trying to make the club go stupid. Talk shit, nah, sorry, you lost me. It's just me, this bad B and Cupid. Floating, excuse me, with this suit I'm smoking. Pushes and roll like I'm sick, I'm bowling. She give me the sign like a omen. She wanna experiment, I'm open doors. See so much, wanna show me more. Only one way to know for sure. Now we knocking things over, rule of floor. Foxel avec le morceau Snatch avec un look un peu à la Mac Miller pour le côté crâne rasé. Ok. Mais si on regarde de près, c'est pas Mac Miller. Non, non. Très chouette entrée en matière pour ouvrir cette émission. Merci Pierrot. Si je te dis Upset the Rhythm, tu me dis Boulogne-Billancourt. Boulby. Non, tu me dis que généralement, c'est un très très bon label et que généralement, quand il s'agit d'une de leurs sorties, c'est rarement. Tu l'as pas dit avec l'accent. De la merde. J'ai pas dit Upset the Rhythm. Voilà. Ouais, voilà, c'est pour ça. Sinon, effectivement, la belle. Ah oui, tu l'avais pas du tout. Non, ouais, j'ai Upset. Unset. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ok. Je pensais à Sunset, mais inversé. Unset. Très bien. Eh ben, et super. Eh ben, je te dis. Allez, on la refait. Vas-y. Si je te dis Upset the Rhythm. Boulby. Non, j'ai dit. Excellent label. Voilà. Donc oui, là, bah, ça se confirme encore une fois avec les Melbournois de The Green Child et leur album Look Familiar qui est sorti à la fin de l'année 2024. Là, on est sur de la pop psyché très très bien maîtrisée avec un album dont j'ai fait l'acquisition il y a peu et que j'ai écouté. Un album qui est assez homogène en termes de qualité de morceaux, je trouve. Et j'ai trouvé que c'était assez chouette à écouter. De toute façon, je ne l'aurais pas acheté sinon. J'ai pas grand chose à raconter de plus. Je voulais juste vous laisser vous faire une idée avec Wow Factor, qui est le morceau d'ouverture de l'album. C'est très très chouette. Qu'en dire de plus? Rien. Écoutons-le. Comforting. C'était The Green Child avec Wow Factor. Et c'est vrai, en fait, Pierrot, tu les avais déjà passés cette saison, mais tu avais choisi le morceau de fermeture. Exactement, du coup, je vous le conseille. Ok, bah voilà. Bah désolé, hein, je m'en souviens, pot. Mais bon, en même temps, on passe tellement de trucs. C'est dingue, hein, c'est dingue. C'est dingue, la vie. Ah, ça va une qu'est-ce vitesse. Que tu, hein, qu'est-ce que tu vas mettre, là, du coup, après? Qu'est-ce que tu vas nous partager? Eh ben, on va à Rouen avec les Go-Go Juice. Quoi? Je crois que ça allait partir en cacahuète, cette histoire. Pourtant, je ne suis pas fan de Rouen, puisque étant amiénois et fan de hockey, c'est le derby Rouen. Pam, pam, pam, les gothiques, plom, plom, plom, on est là, pom, pom, pom. Et il y a un match 7 qui joue aujourd'hui. Ah, ah, bref. Go-Go Juice, ils sont de Rouen, et ils ont sorti un EP en novembre dernier, EP qui a l'air autoproduit, parce que je n'ai pas eu de label derrière, qui s'appelle Kids Are Not Stupid. Ah, ah. Et il nous propose une pop shoegaze qui sent bon. Alors je m'étais noté les Strokes, mais en écoutant leur deuxième morceau, puisqu'on va écouter deux morceaux, Knock Knock, en fait qui sent bon le Knock Knock, qui sent bon le l'indie rock un peu des années 2000 avec tous ces groupes en zeux. Ma foi, c'est très bien fait, c'est très chouette. Je trouve que le côté pop shoegaze leur ressemble bien. Et cette EP, c'est une mise en bouche avant leur album qui va venir. Donc nous, on va écouter deux morceaux. Kids Are Not Stupid, comme le nom de l'EP, et Knock Knock Knock, il y en a trois, qui est là, c'est Kids Are Not Stupid. Non, c'est Go-Go Juice. Mom, I have something to tell you. The sun is finally gone. Is it time there are no more colors? Where is it? Blood, red sky, everything is black. No more sun, so what to do? Wait, die, sleep. People are blind now. It rains a seed again. to watch after him. Our umbrella's not to claim. We'll give it to a kid, but kids are not stupid. Kids are not stupid. Kids are not stupid. Kids are not stupid. Kids are not stupid. Kids are not. Gogo Juice avec deux extraits de leur EP sorti en novembre dernier. Très très chouette. Petit retour en arrière avec une compile sortie en 2017 sur le label belge Stroom. Compile qui nous replonge dans les années 80 et dans les multiples productions de l'artiste belge Jan van den Broek. La compile s'appelle 11 000 Dreams et je vais pas le dire en anglais parce que je sais plus comment on dit 11 000. Je pense que c'est 11,000. Bien sûr. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. 100, 100, c'est 100. Bon, bref. Cette compile, elle regroupe trois de ses principaux projets, à savoir Absent Music, The Myth et June 11. Et on est sur des projets qui sont plutôt tournés vers la synth, la minimal wave, l'ambiante, l'expérimental. C'est assez chouette. Moi, je connaissais pas du tout cet artiste et ça m'a permis d'avoir un petit aperçu de son travail que je trouve assez doux et plaisant à écouter. Alors j'avoue que j'ai tout de même une petite préférence pour son travail en tant qu'Absente Music, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous passer deux morceaux. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, j'ai écouté l'album et c'est vraiment les deux morceaux qui m'ont un petit peu tapé dans l'oreille, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Carrément. Du coup, le premier morceau s'appelle The Monkey House et le deuxième s'appelle Akaito. Voilà, très très chouette. Thank you. C'était Absent Music avec le morceau, les morceaux The Monkey House et Akaito. Effectivement, c'est minimal, mais c'est bien exécuté. C'est agréable, c'est comme une bonne mayonnaise dans un bon restaurant. Classique, efficace. On va écouter des artistes dont un qu'on a déjà évoqué. On va écouter une rencontre entre le producteur électro Agoria et l'artiste espagnol Nino de Elche. Je pense qu'on l'a déjà passé, c'est même sûr, même en tout début d'existence de Goodbye Kevin. Ah oui, oh, bah, ça remonte à l'époque, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, effectivement. À l'ancienne. Donc ces deux artistes se sont retrouvés. En tout cas, sur l'album du premier, c'est-à-dire sur l'album d'Agoria en 2021 qui s'appelle Point Dev, il y a eu un feat avec Nino Ecce. Et là, on va écouter un remix fait par Cast, je ne sais pas comment ça se dit parce qu'il y a un deux points en plein milieu. Cast sous-traitance, allez, on n'en sait rien. Je ne sais pas, mais c'est rigolo de mettre des noms comme ça pour que je les dise mal. C'est un duo, eux, qui font de l'électro, hein, de la musique électronique. Ils sont basés ils sont basés à Paris. Et donc, ils ont remixé ce chouette morceau que je ne connais pas, puisque je connais que le remix. Chouette morceau qui s'appelle What If Earth Would Turn Faster. Qu'est-ce qui se passerait si la Terre allait plus vite? Eh ben, on n'en sait rien. Pas du tout. On ne sait pas. Les jours seraient plus courts. Voilà. Bah, la réponse est finie. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est tout. Donc voilà, on écoute ce remix de Cast de Agoria avec Nido Dace, c'est très très cool, c'est très électronique. Oh, Code promo Pierrot Elena, partez aux États-Unis. C'est Goodbye Kevin, toujours sur Radio Campus Lille 106,6. Très bien, on enchaîne avec From. From. From, c'est l'un des projets de Fernando Romero, qui est un artiste espagnol qui évolue entre jazz, dub, bedroom pop, j'ai toujours du mal à le dire, et post-punk. Gros éclectisme donc pour Fernando, qui n'hésite pas à inclure des petites touches de flamenco dans son deuxième album, même. C'est trop bien parce qu'on passe Nino de Elche, bam. Ouais. On reste sur des envolées flamenco. Ce deuxième album, il s'appelle Modelo para Armar et c'est sorti en 2024 sur le label El Volcan. Ce que j'ai bien aimé dessus, c'est que tu sens que le gars, ça vient du cœur. Il n'a pas cherché à faire des tubes, à produire un hit, tu vois. Il a juste écrit ce qu'il aimait écrire et ça fonctionne très bien. Il y a un titre qui ressort quand même du lot. C'est celui que j'ai choisi de vous partager. C'est purement stratégique de ma part. C'est juste que je pense que c'est celui qui attirera le plus grand nombre et qui potentiellement vous donnera envie d'écouter l'album. Voilà, parce que sinon c'est quand même assez varié. Du coup, le morceau s'appelle Entro sin preguntar et je remercie mon petit DJ Ronron de m'avoir fait découvrir cet artiste puisque ça part de là en fait. Et c'est From le Corazon. Ça vient du cœur. Ouais. From the Corazon. Ça vient du cœur d'ailleurs. From. Allez, ça part. Voilà, c'était From, avec le morceau Entro sin preguntar. Allez, on abandonne toute notion d'accent. LV2, espagnol, 3 ans de LEA qui n'ont servi à rien. Non, voilà. Ouais. Pas d'avis sur la question. Passons. Est-ce que je ne suis pas une référence en termes d'accent, donc je ne vais rien dire. Mais en tout cas, on voit que c'est plusieurs fois qu'on met des artistes espagnols à l'honneur dans cette émission. Et quoi, toujours aussi nul. Non, non, c'est juste dire qu'il y a quand même une scène assez intéressante. Mais exactement, et depuis quelques années. Bien sûr. J'ai envie de te le dire. Bien sûr. Bon, mais de plus en plus. Mais on a tout dit, on a tout dit. Voilà, et en France également, on a beaucoup d'artistes. Tout à l'heure, on était à Rouen. Maintenant, nous partons à Strasbourg avec un trio qui était initialement de Strasbourg. Maintenant, il est peut-être d'ailleurs, mais en tout cas, il s'est formé là-bas. C'est Si Naïve qui pratique une noisy pop psychédélique. Et on va écouter un extrait de leur album qui est sorti en octobre dernier chez Antimatière. Album qui s'appelle Pop Moderne. Et on va écouter le morceau qui est très très cool, qui s'appelle SS Superstar des Si Naïve. Si mauvais, c'est Si Naïve, hein ? Oui, pas si mauvais, effectivement, c'est même très très bien. Strasbourg a du talent. Mais je dis ça parce que mon prochain artiste vient également de Strasbourg. Et attends, c'est t'ai pas dit Strasbourg got talent. En allemand ? Very good, Strasbourg, je ne sais pas. C'est pas parler allemand. Ben non, absolument pas, je fais LEA anglais-espagnol, je te rappelle. Non, mais ouais. Et donc, quel est cet artiste Cet artiste, je vous en avais déjà parlé en 2018, il s'appelle Théoclu de son vrai prénom, mais du coup son pseudo c'est Théoclu, et même à l'époque il s'appelait T/O, donc c'était pas encore la même chose. Bref, C'est un artiste strasbourgeois. Son premier album en 2018 était bien psyché, bien bien cool. C'était sorti sur l'excellent label October Tone, label également strasbourgeois, dont je vous parle souvent. Bref, c'est une fois de plus dans cette belle écurie qu'il a sorti son deuxième album, The Electric Soup, en février 2024. On est sur une pop lo-fi hallucinée, pour reprendre ses propres mots. Et lui, il oscille un peu entre crotte-rock, dub et effet cartoonesque. Bref, ça bidouille pas mal. Et on est une fois de plus, enfin, je suis une fois de plus très très fan. On va écouter sans plus tarder le morceau Snake Oil, qui est très très cool. Cet album, il est également sorti chez Mouche Records, je ne l'ai pas précisé. Voilà, c'est toujours bien de le dire. Hein. Pauvre de Mouche. Pauvre de Mouche Records. Mouche Records, M-O-O-S-H et October Tone. Du coup, double sortie, double label. C'était Tio Clu avec le morceau Snake Oil. Voilà, petit morceau bien barré comme à son habitude. On va poursuivre avec une très bonne sortie du label Habibi Funk qui a réédité Ibrahim Esnaoui avec un album qui s'appelle The Father of the Libyan Reggae. Et donc on va écouter un morceau de cet artiste qui s'appelle Never Understand et qui amène le reggae sur les terres africaines. C'est de haute qualité. De haut vol. De haut vol. Et c'est Ibrahim Esnaoui. Sometimes you make me happy. Ibrahim Esnaoui avec le morceau Never Understand. Voilà. Voilà quoi. On se disait en off que, enfin moi je te disais que tu as une petite phase revival reggae ces derniers temps. Tu me disais que c'était en raison des beaux jours. Bah, dès qu'il y a le printemps, ouais, c'est une musique qui m'accompagne bien. Ok. Avec le retour du soleil et du pollen. Eh bien, on change une dernière fois de style pour ce dernier morceau de l'émission avec Kai Mehara, qui est un beatmaker londonien. Lui, il évolue entre hip-hop, ambiante et electronica, en puisant son inspiration aussi bien dans le jazz que du côté de la scène house de Détroit. Son premier EP, Star Trap, est sorti en septembre 2024 sur le label High Praise London. Et vous allez voir, on est sur quelque chose d'assez chill, mais en même temps de très groovy. J'aime beaucoup personnellement. Voilà, c'est un peu le morceau de la fin, mais je pense qu'on aura le temps de se dire au revoir après ou pas ? Non, je pense pas. Eh bien, on vous dit au revoir maintenant, on vous dit à la semaine prochaine. On vous laisse avec Kai Mehara et le morceau Waiting Game. Et voilà, bon week-end. À la semaine prochaine, au revoir.